Exercice 10, page 93. A. On va au Mexique. Transformer. Ils vont au Mexique. B. On va au Maroc. Transformer. Ils vont au Maroc. C. On va au Bénin. Transformer. Ils vont au Bénin. D. Il est au Brésil. Transformer. Ils sont au Brésil. E. Il est au Cambodge. Transformer. Ils sont au Cambodge. F. Il est au Chili. Transformer. Ils sont au Chili.